jour on partira pour faire la guerre. Un jour on sera très méchants comme l'ont été nos parents avant. Si l'on ne travaille pas pour la masse, on se fait vite écarter, on se fait vite écarter. Oh oh oh oh oh oh oh. Le stylo a cassé et l'on ne peut plus exister. Toi sous le soleil, le vent, que penses-tu de tes enfants? Jusqu'à quand l'amour tient main dans la main? Toutes ces images sur internet attendent une nouvelle planète. Un jour peut-être on sera mieux, même les fourmis ont des ennuis. Être traqué comme être la proie, comme ne plus avoir le choix. Être maudit des villes, ne pas savoir pourquoi. Comme un gouffre à vide, comme un stylo sans rime, comme cuire la viande sans huile. Emprisonnez-moi, je suis fou, tuez-moi, vous n'avez pas le choix. Emprisonnez-moi, je suis fou, tuez-moi, vous n'avez pas le choix. Emprisonnez-moi, je suis fou, tuez-moi, vous n'avez pas le choix. Emprisonnez-moi, je suis fou, tuez-moi, vous n'avez pas le choix. Être sous la pluie comme tous ceux qui vivent la nuit. Sur un banc assis, comme juger ses lois, comme si l'erreur n'arrivait pas, comme si le bonheur n'était pas pour soi. Emprisonnez-moi, je suis fou, tuez-moi, vous n'avez pas le choix. Emprisonnez-moi, je suis fou, tuez-moi, vous n'avez pas le choix. Être mal appris comme être mal assis, ne tenir qu'en soi. Emprisonnez-moi, je suis fou, tuez-moi, vous n'avez pas le choix. Un jour on partira pour faire la guerre. Un jour on sera très méchant comme l'ont été nos parents avant. Si l'on ne travaille pas pour la masse, on se fait vite écarter. Écarte-les, le stylo a cassé, l'on ne peut plus exister. Toi sous le soleil, le vent, que penses-tu de tes enfants? Jusqu'à quand la main dans la main, toutes ces images sur internet attaquant une nouvelle planète. Un jour peut-être on sera mieux, même les fourmis ont des ennuis. Être traqué comme être la proie, comme ne plus avoir le choix. Être maudit des villes et ne pas savoir pourquoi. Comme un coup rapide, comme un stylo sans rime, comme cure la viande sans huile. Emprisonnez-moi, je suis fou, tuez-moi, vous n'avez pas le choix. Emprisonnez-moi, je suis fou, tuez-moi, vous n'avez pas le choix. Être sous la pluie comme tout ce qui vit la nuit. Sur un banc assis comme juger ses lois, comme si l'erreur n'arrivait pas, comme si le bonheur n'était pas pour soi. Emprisonnez-moi, je suis fou, tuez-moi, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Pas le choix. Être quoi la pluie comme être mal assis, ne tenir qu'en sous. Emprisonnez-moi, je suis tout tué, moi vous n'avez pas le choix. Emprisonnez-moi, je suis fou, tuez-moi, vous n'avez pas le choix.